Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Oh vous les gens, le mal des mécréants continue à affecter les prophètes d'Allah ainsi que ses messagers, et cela depuis bien longtemps. Et ceci n'est pas à leur avantage. Islahul Ummah, réformation de la communauté. Certes, ce que dévoilent les mécréants et montrent dans leurs actes et dans leurs paroles n'est rien face à ce qu'ils dissimulent au fond d'eux, car ils sont en réalité du bois à brûler dans la géhenne. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Et quel pire mal causé à l'égard d'une communauté que par l'offense de leurs messagers à travers une injure, un outrage, une dénaturalisation, une représentation caricaturale ou par un dénigrement ou un affront. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullahu ta'ala. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas, tout comme dans l'au-delà, et il leur a préparé un châtiment avilissant. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Dammaj au Yémen. Les mécréants sont les ennemis d'Allah et de ses messagers, et ils sont aussi les ennemis de sa religion, ainsi que de ses serviteurs croyants. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Ce messager qu'ils insultent et qu'ils offensent, par Allah, ils espéreront le jour du jugement dernier lui avoir obéi sur terre. Sermon numéro 15. Udwanul kafirin ala al-anbiya wal-mursalin. L'animosité des mécréants à l'égard des prophètes et des messagers. Il s'agit là d'un exemple concret et d'actualité concernant les agressions des mécréants à l'égard du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse, Hawa, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah au nom duquel vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens parentaux, certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés, et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. Amma ba'd. Ceci étant dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يحجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant la grâce d'Allah ainsi que son agrément. Leurs visages sont illuminés à cause de leur piété et leur prosternation. Telle est leur description dans la Torah, et dans l'Injil, l'Évangile. Ils sont tels une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, c'est-à-dire les croyants, remplis de dépit les mécréants. Allah a promis à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Il s'agit là des caractéristiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celles de ses compagnons tirées du livre d'Allah, le Coran, ainsi que les autres livres saints. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad n'est le père de personne, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Et il est le messager d'Allah, envoyé à l'humanité tout entière, parmi les êtres humains, les djinns, des créatures invisibles, à quiconque souhaite être préservé du châtiment. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de juif ou de chrétien qui entendra parler de moi, puis qui ne m'aura pas cru, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Et Allah tabarak ismuhu a dit dans son noble livre: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Il est ainsi une miséricorde pour l'ensemble de l'humanité, non une miséricorde envoyée à quelqu'un en particulier ou à une seule communauté bien précise, mais il a bel et bien été délégué pour l'univers tout entier, pour quiconque aura cru en lui et aura suivi sa guidée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Injil, l'Évangile, il leur ordonne d'accomplir le convenable et leur défend le blâmable. Et il rend licite les bonnes choses et il leur interdit les mauvaises choses et leur ôte le fardeau qui était sur eux. Ceux alors qui croiront en lui, qui le soutiendront et lui porteront secours et suivront la lumière qui a été descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Alors quiconque aura eu la foi en lui sera parmi les gagnants, et quiconque aura mécru en lui sera parmi les perdants. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par lui, Allah a parachevé la prophétie. Comme le prouve le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi dit: il ne viendra plus de prophète après moi, car je suis le sceau des prophètes et des envoyés. À travers moi, la prophétie a été parachevée. Il est le dernier des messagers, et il est le dernier des prophètes, et sa communauté est la dernière des communautés vers qui a été envoyé un messager, comme cela a été évoqué dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté de gens justes, afin que vous soyez témoins pour les gens, tout comme le messager sera témoin pour vous. Ainsi, ce messager, sallallahu alayhi wa sallam, sera témoin à l'ensemble des communautés, de même que sa communauté, qui témoignera aussi pour les communautés précédentes. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin, et que nous te ferons venir au toi, Mohammed, comme témoin contre ces gens-ci? Ce jour-là, ceux qui auront mécru au messager et lui auront désobéi souhaiteront que la terre soit nivelée sur eux, et ils ne pourront cacher à Allah aucune parole. Ils souhaiteront être comme de la terre et espéreront que celle-ci soit nivelée sur eux, car ils auront mécru en Allah et lui auront désobéi. Azza wa Jalla, Mohammedun Rasulullah, Mohammed est le messager d'Allah. C'est comme cela qu'Allah Azza wa Jalla l'a décrit, qu'il est son messager. Et Atta ibn Yasar questionna Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu un jour et lui dit: quelles étaient les caractéristiques du messager d'Allah dans la Torah? Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu répondit: il a été décrit dans la Torah tel qu'il a été décrit dans le Coran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ô toi le prophète, c'est-à-dire Muhammad, nous t'avons certes envoyé comme témoin, annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur d'un dur châtiment. Et il est aussi indigne de confiance, et il est le serviteur d'Allah et son messager. Allah l'a nommé Al-Mutawakkil, celui qui place sa confiance en Allah. Il n'est pas grossier, ni dur, et ni ne clame à haute voix dans les marchés, et il ne fait pas suivre un péché d'un autre péché. Au contraire, il excuse et pardonne, et Allah n'a pas repris son âme jusqu'à ce qu'il ait redressé par sa cause la communauté de sa tordeur, en leur faisant dire La ilaha illallah, nulle divinité en dehors d'Allah, et qu'il ait fait voir par sa cause des yeux aveugles, et fait entendre des oreilles sourdes, et fait résonner des cœurs scellés. Voilà donc quelques caractéristiques du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit dans son livre: Nun والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجلا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Nun, par la plume et ce qu'ils écrivent, tu n'es pas, ô toi Mohammed, par la grâce de ton Seigneur, possédé ou fou, et tu jouiras dans la vie ultime d'une récompense qui ne s'interrompra jamais, et tu es certes d'une moralité imminente. Et quels comportements et éthiques sont meilleurs que celles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Et Allah a certes commandé aux gens de le prendre comme modèle de la meilleure des façons. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez certainement dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et qui invoque Allah fréquemment. Il n'existe donc pas meilleur exemple à suivre, ni meilleur comportement et morale que ceux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha fut questionnée un jour au sujet du comportement et de la morale du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle répondit: il était tel le Coran. Ainsi, il n'y avait pas un verset provenant du livre d'Allah dans lequel il était mentionné les nobles vertus et les bonnes œuvres sans que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne le mette en application. Il suivait les commandements du Coran à la lettre et le transmettait de la part de son Seigneur, Azza wa Jalla. Ya ayyuha ar-rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu yahsimuka min an-nas inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Ô toi le messager, transmets le message qui t'a été descendu là par ton Seigneur, et si tu ne le faisais pas, tu n'aurais alors pas accompli ce qui t'a été demandé, et Allah te protégera contre le mal des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Et Auf ibn Malik, où s'agissait-il de Nadla, dit un jour, ô messager d'Allah, à quoi appelles-tu et qu'interdis-tu? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, un message m'est parvenu de la part de mon Seigneur, qu'au sujet de l'unification d'Allah dans son adoration et de l'entretien des liens de parenté, un message m'est parvenu de la part de mon Seigneur, des plus lourds, j'ai alors su que les gens allaient me traiter de menteur, puis il m'a été dit, soit tu agis ou soit tu subiras. Ô vous les gens, voilà comment était le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là donc qui s'écartera de lui, Allah le châtiera dans la géhenne en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: "Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Et quiconque fait scission avec le messager après que le droit chemin lui aura été apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le délaisserons comme il s'est détourné et le brûlerons en enfer. Et quelle mauvaise destination! Cela, s'il se sera détourné et écarté de lui, de sorte qu'il soit sur un côté et que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, soit sur un autre côté, opposé à lui. Allah le laissera alors comme il se sera détourné et il le brûlera en enfer. Et quelle mauvaise destination! Voilà le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque aura transgressé les limites qu'il a établies, Allah l'humiliera. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront parmi les plus humiliés. Ainsi, il n'y a pas plus humilié, ni plus rabaissé, ni plus méprisable qu'une personne qui enfreint les limites établies par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Inna alladhina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladhina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat wa lil kafirin adhabun muhin. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront culbutés comme ceux qui furent culbutés avant eux. Nous avons déjà fait descendre des preuves explicites et les mécréants auront un châtiment avilissant. Voilà le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui l'aura offensé, Allah le maudit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adhaban muhina wal ladhina yu'dhuna al mu'minina wal mu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas tout comme dans l'au-delà, et il leur a préparé un châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent une calomnie et auront commis un péché évident. Voilà le messager d'Allah. Ainsi, toute personne qui lui aura causé préjudice aura alors commis un énorme crime, et seuls les criminels lui font du mal et sont hostiles à lui. Allah Azza wa Jalla a dit: Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin. C'est ainsi que nous assignâmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Il est donc strictement interdit à quiconque de porter atteinte au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à n'importe quel niveau, qu'il s'agisse d'insultes, d'outrages ou d'offenses. Et celui qui aura agi de la sorte aura causé sa perte et sera parmi les châtiés. Et son sang deviendra licite si ce dernier était musulman. Et s'il s'agissait d'un mécréant, il sera alors obligatoire de le tuer. قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَأْسِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. Dis ô toi Muhammad, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtirons certainement une autre partie pour avoir été des criminels. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance qui lui est due fait partie de l'obéissance à Allah. Et sa désobéissance revient en réalité à désobéir à Allah. Donc son obéissance est une obéissance envers Allah. Et sa désobéissance est une désobéissance envers Allah. Et son amour est obligatoire. Et il prévaut bien plus sur l'amour de l'argent, de sa propre personne, de sa famille ou de ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Man yuti'i rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Et quant à ceux qui te tournent le dos, ô toi Muhammad, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme garant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui m'obéit obéit certes à Allah, et celui qui me désobéit désobéit à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Alam ya'lamu annahu man yuhadid Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha dhalika al-khizy al-'azim. Ne savent-ils pas que quiconque s'oppose à Allah et à son messager entrera dans le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement? Voilà l'immense perte. Et quelle pire transgression, et quelle pire hostilité, et quelle pire injustice, et quelle pire oppression, et quel pire mal causé à l'égard d'une communauté que par l'offense de leur messager à travers une injure, un outrage, une dénaturalisation, une représentation caricaturale, ou par un dénigrement ou un affront, que cela provienne d'un musulman ou d'un mécréant. L'animosité à l'égard d'Allah, de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de tout autre prophète, ou de ses anges, tout cela est de la mécréance. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna Allah aduwan lil kafirin. Quiconque aura pris pour ennemi Allah, ses anges, ses messagers et les anges Jibril et Mikaïl, Gabriel et Michael, Allah sera alors son ennemi, car Allah est l'ennemi des mécréants. Et leur offense est un affront à la religion d'Allah ainsi qu'à la communauté islamique. Et il est interdit de faire la scission entre un messager et un autre messager, car tous sont des envoyés d'Allah. Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adhaban muhina. Certes, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire la distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre ses messagers et nous ne croyons pas en d'autres, et qui souhaitent par cela prendre un chemin autre que celui indiqué par Allah et tracé par son messager, voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Voilà donc leur destinée. Voilà ce qui a été préparé aux mécréants, à savoir un châtiment avilissant. Et la promesse d'Allah ne peut être différée. Et sa menace sera bel et bien mise à exécution envers quiconque l'aura mérité. Ô vous les gens, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah, azza wa jalla, a dit à son sujet: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ. Dis ô toi Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi donc, Allah vous aimera alors, et il vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah a sorti par la cause du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la communauté tout entière des ténèbres à la lumière, et il les a purifiés. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager des leurs qui leur récite ses versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, la tradition prophétique, bien qu'ils étaient auparavant dans un écartement évident. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants. Cela est un immense bienfait de la part du Seigneur des mondes. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé auprès d'eux un messager de parmi eux-mêmes, qu'il leur récite ses versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Il est une lumière venant d'Allah et une lampe éclairante. Ya ahl al-kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathira mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Oh vous les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, Notre messager Mohammed vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, c'est-à-dire la Torah et l'Injil, la Torah et l'Évangile, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous ont certes venu d'Allah, le Coran. Par son biais, Allah guide vers les chemins de la félicité ceux qui recherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est une miséricorde pour la communauté. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Certes, un messager de parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors s'il se détourne, dit: Allah me suffit, nulle divinité en dehors de lui, et en lui je place ma confiance, et il est le seigneur du trône immense. L'atteinte à l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de la grande mécréance envers Allah, et cet acte fait sortir de l'islam pour celui qui aura été musulman avant cela, et il est obligatoire que cette personne soit tuée pour avoir outrepassé les lois d'Allah et de son messager en commettant cet outrage ou toute autre transgression portant atteinte à la religion d'Allah azza wa jalla. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour: qui pourrait aller tuer Ka'b ibn al-Ashraf, car il a offensé Allah azza wa jalla. Certains compagnons du prophète ridwanullahi alayhim partirent ainsi pour l'assassiner, et parmi eux Muhammad ibn Maslama. Ils le tuèrent donc, mettant à exécution la sentence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour avoir offensé Allah et son messager. Et un homme aveugle vint un jour après la prière de l'aube et interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'une chose qu'il avait fait, et c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam avait ressenti quelque chose. L'homme dit ainsi: ô messager d'Allah, j'avais une femme que j'aimais et avec qui j'ai eu deux beaux enfants, tels des perles, et elle prenait soin de moi. Mais elle t'insultait, ô messager d'Allah. J'ai alors pris mon épée et me suis couché sur elle jusqu'à lui transpercer le dos. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors: nous ne sommes pas en désaccord à ce sujet. Il s'agit là de la sentence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immat al-kufri innahum la ayman lahum la'allahum yantahun. Et si après avoir conclu un pacte avec vous ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez alors leurs chefs mécréants, car ils ne tiennent en réalité aucun serment, peut-être cesseront-ils. Ainsi, la violation d'un pacte et la calomnie sur la religion d'Allah sont considérées comme étant de la diffamation sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur l'ensemble des prophètes et des messagers. Oh vous les gens, le mal des mécréants continue à affecter les prophètes d'Allah ainsi que ses messagers, et cela depuis bien longtemps, et ceci n'est pas à leur avantage, mais plutôt afin qu'ils s'enfoncent encore plus dans la mécréance. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. Ne crois pas que ce délai que nous leur accordons dans ce bas monde soit à leur avantage et est un bien pour eux. Nous ne leur accordons uniquement que pour qu'ils augmentent leur péché, et ils auront un châtiment avilissant. Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le bon du mauvais, et Allah n'est point tel qu'il dévoile l'inconnaissable, mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Allah tabarak ismuhu informa donc qu'il prolonge leur durée de vie et qu'il leur accorde un délai dans ce qu'ils sont comme animosité et hostilité à l'égard d'Allah. Ils sont donc des ennemis pour Allah. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et cavalerie équipée afin d'effrayer les ennemis d'Allah et le vôtre. Les mécréants sont les ennemis d'Allah et de ses messagers, et ils sont aussi les ennemis de sa religion ainsi que de ses serviteurs croyants. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Et nous avons certes donné le livre à Moussa, c'est-à-dire Moïse, et nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné les preuves à Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, et l'avons renforcé du Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'ange Jibril, Gabriel. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vient à vous, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, vous apportant des vérités contraires à vos passions et vos envies, vous vous enflez d'orgueil et traitez les uns d'imposteurs et tuez les autres? Et Moussa, alayhi salam, a dit, wa idh qala Moussa li qawmihi ya qawmi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Et quand Moussa, Moïse, dit à son peuple, les juifs, ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis assurément le messager d'Allah envoyé à vous? Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. C'est ainsi que les prophètes se plaignaient. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Oh vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moussa, Moïse, c'est-à-dire les juifs. Allah l'a innocenté de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah. Oh vous qui croyez, craignez Allah et parler avec droiture. Et Isa alayhi salam, Jésus, annonça la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ainsi: Wa idh qala Isa ibn Maryam, Ya bani Israël, inni rasulullah ilaykum, musaddiqan lima bayna yadayhi, min at-taurati, wa mubashiran bi rasulin, ya'ti min ba'd ismuhu Ahmed, falamma ja'ahum bil bayinat, qalu hada sihrun mubin. Et quand Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, dit: Ô bani Israël, c'est-à-dire les descendants de Yaqub, Jacob, les juifs et les chrétiens, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui a été révélé avant moi dans la Torah, et annonciateur d'un messager qui viendra après moi, qui s'appellera Ahmed, c'est-à-dire Muhammad. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent: cela n'est que de la magie. Et Allah Azza wa Jalla a dit: وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلَ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Et quand leur vint un livre d'Allah confirmant celui qu'ils avaient déjà avec eux, alors qu'auparavant ils recherchaient la suprématie sur les mécréants, celui-là même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit donc sur les mécréants. Oh vous les gens, certes ce que dévoilent les mécréants et montrent dans leurs actes et dans leurs paroles n'est rien face à ce qu'ils dissimulent au fond d'eux, car ils sont en réalité du bois à brûler dans la géhenne. Ils ne font pas preuve de piété religieuse, et ils n'ont aucune morale, et ils n'ont pas le sens de l'honneur, et ils n'ont aucune valeur, et sont insignifiants auprès d'Allah. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: on fera venir le jour des comptes un homme obèse au gros ventre qui ne pèsera auprès d'Allah même pas le poids d'une aile d'un moustique. On fera donc venir le jour des comptes un homme parmi les mécréants obèse au gros ventre qui sera maudit auprès d'Allah et qui ne pèsera rien. Allah Azza wa Jalla a dit: فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Nous ne leur assignerons aucun poids le jour des comptes. Les mécréants n'auront aucune valeur, car ce sont les pires des bêtes. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala: inna sharra dawabi inda Allahi alladhina kafaru. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont les mécréants. Et combien y a-t-il d'animaux sur terre et dans la mer? Et combien de créatures existent-ils? Et les pires d'entre elles sont les mécréants, parmi les chiens, les ânes, les porcs, les singes, ainsi que tout le reste d'animaux, dont nul n'en connaît les différentes espèces, excepté Allah. Il n'y a donc pas plus mauvais sur terre que les mécréants. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Dis ô toi Muhammad, vous informerai-je de ceux qui recevront la pire des rétributions auprès d'Allah, ceux qu'Allah a maudits, qui ont encouru sa colère et dont une partie d'entre eux ont été transformés en singes, en porcs, ainsi qu'en adorateurs du Tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ceux-là auront la pire des places en enfer, et ils sont les plus égarés du droit chemin. Ils auront la pire des places. Il n'y a donc pas plus mauvaise situation que celle des mécréants. Ni individu, ni personne, ni type plus mauvais que les mécréants. Même la religion d'Allah n'a pu être épargnée de leur mal, ni même ses messagers et ses alliés parmi les hommes, car les mécréants sont les ennemis d'Allah et ceux de ses messagers. Et dans le récit prophétique Qudsi, dont le sens provient d'Allah, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Tabaraka wa ta'ala a dit, quiconque aura pris pour ennemi un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et y a-t-il meilleur allié d'Allah que les prophètes d'Allah et ses messagers? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce sens, Inna waliyallahu alladhi nazzal al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Certes, mon protecteur est Allah, celui qui a fait descendre le livre, c'est-à-dire le Coran, et c'est lui qui se charge de la protection des gens vertueux. Alhamdulillah. معز أوليائه ومذل أعدائه وباسط أرضه ورافع سمائه خلق للنار أهلا وللجنة أهلا وقال ولكليكما علي ملؤها أعد النار للكافرين وأعد الجنة للمؤمنين من يدع الرسول فقد أطاع الله وقال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Toutes les louanges sont à Allah, celui dont les alliés sont honorés et dont les ennemis sont avilis, celui qui a nivelé la terre et élevé le ciel, celui qui a créé pour le feu de l'enfer des gens qui lui sont destinés, et qui a créé pour le paradis des gens qui lui sont destinés, et qui a dit, et il m'incombe à tous les deux de vous remplir. Il a ainsi réservé l'enfer pour les mécréants, et le paradis pour les croyants. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, à savoir les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela! Ô vous les gens, إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. Les mécréants parmi les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ainsi que les polythéistes, iront au feu de l'enfer. Ceci est une chose qu'Allah a promise aux mécréants. Donc plus leur mal et plus leurs attaques à l'égard des muslimounes, des prophètes d'Allah, ainsi que de ses messagers, de même que de sa religion, grandiront, plus leur châtiment grandira. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابَ. Et lorsque le jour de la fin des temps arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon en enfer pour y subir le plus dur des châtiments. Ainsi, la mécréance du mécréant grandit avec l'accroissement et la dureté de son égarement. إنما النسيء زيادة في الكفر يذل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par cela, les mécréances sont égarées. Ils le rendent sacré une année et le profanent une autre année, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a sacralisé. Ainsi, rendent-ils profanes ce qu'Allah a rendu sacré? Leurs méfaits leur sont enjolivés et Allah ne guide pas les gens mécréants. Allah nous informe donc que la mécréance augmente, comme c'est aussi le cas pour la foi. Ainsi, le mécréant, s'il s'enfonce plus dans l'égarement, sa mécréance augmentera. Allah a dit, en exposant que les mécréants sont les gens du faux et des passions. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu leurs œuvres vaines. Donc si leurs actions sont vaines et perdues, est-ce que tu t'imagines pouvoir être préservé de leur mal dans la pratique de ta religion, dans ton honneur et celui de ton messager ou toute autre chose en rapport avec Allah? Ils sont ainsi les ennemis d'Allah et de sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِتَّبَعُوا الْبَاطِلَ. Cela parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux. Il en est ainsi الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Ceux qui ont mécru et obscuré le chemin d'Allah, il a rendu leurs œuvres vaines, et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed, et ceci est la vérité émanant de leur Seigneur, il efface leurs méfaits et améliore leur état. Cela parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux, alors que ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah les cite en exemple aux gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté dans le recueil de récits prophétiques authentiques, au Aïcha, ces gens, c'est-à-dire les mécréants, si un homme pieux parmi eux venait à mourir, il construirait alors une mosquée sur sa tombe et ferait des dessins à son effigie. Ceux-là sont les plus mauvais de la création auprès d'Allah. Cette communauté est maudite. Les mécréants sont une communauté maudite de la langue des messagers d'Allah, alayhimus salat wa salam. Allah les a anéantis et les a fait périr génération après génération, communauté après communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, fakullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna alayhim hasiban wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum. Nous les saisîmes donc, chacun d'entre eux pour leur péché. Il en eut parmi eux sur qui nous envoyâmes un ouragan, d'autres que nous saisîmes d'un cri monstrueux, et d'autres que nous fîmes engloutir par la terre, et d'autres encore que nous noyâmes. Et Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ne s'étaient fait du tort qu'à eux-mêmes. Allah les a détruits. Wa tilka al-qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Et ces villages que nous avons fait périr quand leurs habitants commirent des injustices et auxquels nous avions fixé un rendez-vous pour leur destruction. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Les mécréants parmi les enfants d'Israël, les descendants de Yaakoub, Joseph, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, ont été maudits de la bouche de Daoud et de Isa ibn Maryam, David et Jésus fils de Marie. Cela parce qu'ils désobéissaient à Allah et transgressaient les lois divines. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme était mauvais certes ce qu'ils faisaient. C'est une communauté maudite à cause de leur animosité et leur hostilité et leur penchant vers le faux, et aussi à cause de leur mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wa la nasira yawma tuqallabu wujuhahum fi an-nari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Allah a maudit les mécréants et il leur a préparé une fournaise ardente dans laquelle ils y demeureront éternellement. Ils n'y trouveront ni alliés ni secoureurs. Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu de l'enfer, ils diront « Hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et à son messager !» Ce messager qu'ils insultent et qu'ils offensent, par Allah, ils espéreront le jour du jugement dernier lui avoir obéi sur terre. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِيهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Et ils diront, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, c'est eux qui nous ont égarés du droit chemin. Ô notre Seigneur, inflige-leur un double châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Les mécréants sont maudits. Où qu'ils soient, ils seront pris et tués impitoyablement. Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant. Et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Ils sont maudits, car ce sont des adorateurs du Tarout. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. N'as-tu pas vu ceux à qui une partie du livre a été donnée, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, qui croient en la magie et au tarout, et qui disent à propos de ceux qui ne croient pas, les polythéistes, ceux-là sont mieux guidés que ceux qui ont cru au messager. Voilà ce qu'Allah a maudit, et quiconque Allah a maudit, tu ne trouveras jamais pour lui de secoureur. C'est une communauté égarée. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui des égarés. Et ceux qui ont encouru la colère d'Allah sont les juifs, et ils sont aussi égarés. Et quant aux égarés, il s'agit des chrétiens, et eux aussi ont encouru la colère d'Allah. Parfaitement. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Dis-toi Mohammed, vous informerai-je de quelque chose de plus terrible que cela? Le feu de l'enfer. Allah l'a promis aux mécréants, et quel mauvais avenir. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديد قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا عذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer et dont les habitants transgressaient le sabbat, c'est-à-dire le samedi, le jour saint des juifs. Les poissons venaient à eux en faisant surface uniquement ce jour-là, et ne venaient pas à eux les autres jours de la semaine. Ainsi les avons-nous éprouvés à cause de leur perversité et leur péché. Et leur saint groupe d'entre eux dit: pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va certainement anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Ils répondirent: pour nous dégager de notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur, et peut-être reviendront-ils sur le droit chemin. Puis lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui interdisaient le mal et saisîmes les injustes par un châtiment rigoureux pour leurs actes pervers. Puis lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes: soyez des singes abjects. Une communauté dont les actions sont comme un mirage dans une plaine désertique, c'est-à-dire vaine. Les mécréants sont insignifiants auprès d'Allah, et leurs bonnes œuvres n'auront aucune considération le jour des comptes. Et s'ils avaient associé à Allah quelqu'un ou quelque chose dans son adoration, alors tout ce qu'ils auraient accompli eût certainement été vain. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Et nous avons considéré ce qu'ils avaient accompli comme œuvre, puis les avons réduits en poussière éparpillée. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبط أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Dis-toi Muhammad, vous informerai-je donc des plus grands perdants en œuvre? Il s'agit de ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans la vie présente en croyant faire le bien. Ceux-là qui m'écrurent au signe de leur Seigneur ainsi qu'à sa rencontre, leurs actions sont donc devenues vaines. Nous ne leur assignerons donc aucun poids au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعًا يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Et quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau, puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. En revanche, il y trouve Allah qui lui règle son compte complètement, et Allah règle les comptes rapidement. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils auront acquis. Voilà l'égarement profond. Il en est ainsi. Et on présentera le jour de la résurrection le mécréant que l'on trempera une fois dans le feu de l'enfer. Puis il sera dit: ô enfant d'Adam, as-tu déjà goûté aux délices de la vie d'ici-bas? As-tu déjà vu le bien? Il dira alors: non mon Seigneur, je n'ai jamais goûté au plaisir de la vie d'ici-bas et je n'ai jamais vu le bien. Il oubliera ainsi tous les plaisirs desquels il avait joui sur terre après une seule trompette dans le feu de l'enfer. Une seule et unique trompette. Donc ô vous les muslimounes, nous nous devons tous de nous accrocher au livre d'Allah, le Coran, ainsi qu'à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, la tradition prophétique, et de préserver cet immense bienfait. Il faut également que nous prenions soin de la religion d'Allah, et aussi que nous prenions garde de ressembler aux mécréants et de les imiter, ces gens dont vous venez d'entendre certaines de leurs caractéristiques et leurs vils agissements, car ils sont en réalité les ennemis d'Allah, les ennemis de ses messagers et les ennemis de sa religion de vérité, c'est-à-dire l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a ainsi fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Une communauté qui s'est oubliée. Les mécréants sont une communauté de gens qui se sont oubliés. Des gens qui ne tirent aucun profit de leur cœur, de leurs membres et de leur raison quant à la religion d'Allah. Car cette communauté n'a été créée que pour cette vie présente. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَاهُمْ. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les animaux, et l'enfer sera leur lieu de séjour. Et Allah Azza wa Jalla a de même dit: وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِي وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانَ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Nous les avions consolidés dans des positions que nous ne vous avons pas données, et nous leur avions assigné une ouïe, des yeux et un cœur, mais ni leur ouïe, ni leurs yeux, ni leur cœur ne leur ont été profitables en quoi que ce soit. Cela parce qu'ils niaient les signes d'Allah, et ce dont ils se moquaient finit par les atteindre. Pauvre de lui, celui qui aura recherché le secours et l'assistance, de même que la gloire auprès des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Les hypocrites se précipitent vers eux, c'est-à-dire auprès des mécréants, et disent: nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Et pauvre de lui également, celui qui aura recherché auprès d'eux la justice et qui aura été satisfait de leur jugement et l'aura approuvé, car cela est formellement interdit. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi, Mohammed? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, c'est-à-dire les lois autres que celles établies par Allah et son messager, alors qu'ils avaient été commandés de ne pas y croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit: venez vers ceux qu'Allah a fait descendre et vers son messager. Tu vois alors les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils auront accompli de leurs propres mains? Puis ils viendront à toi, jurant par Allah, nous n'avons voulu faire que le bien. Voilà ce dont Allah sait ce qu'il y a dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Donc il faut que le croyant médite sur ce qu'il se passe actuellement aux serviteurs d'Allah, car cela est un exemple concret et bien vivant. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Et ne vous reposez pas sur les injustes et ne penchez pas vers eux, sinon le feu vous atteindra. Vous n'avez pas d'autre allié en dehors d'Allah et vous ne serez alors point secourus. Il s'agit là d'un exemple concret et d'actualité concernant les agressions des mécréants à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes dit: wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et nous savons certainement que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que devienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Nous savons assurément que ce qu'ils disent te fait de la peine, et en réalité ils ne croient pas que tu es un menteur, mais ce sont les versets d'Allah que les injustes renient. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront culbutés comme ceux qui furent culbutés avant eux, et nous avons déjà fait descendre des preuves explicites, et les mécréants auront un châtiment avilissant. والحمد لله رب العالمين.